sait jamais. Pas rigoler avec lui. Rigoler si. Ouais. Mais... autre chose. Alors tu t'imposes, tu pousses l'autre et tu... Ouais, ouais, ouais. Allez, je le tente. Ah, mon ami, tu fais... succès de la soirée. Non, non, ça, ça. Non, non, non. Je me sentirais mal. Hein. C'est que des locaux. Ouais, ça doit être génial. Ça se fait pas, hein. Attends. Moi ? Arrête ! Arrête où j'y vais ? Justement. T'envoies qu'Antoine revient pour les photos. Il est allé chier. Ah c'est bien, j'enregistre. Donc Antoine est allé chier.